Chapitre 4. Calme. Le lendemain, dès que le jour parut, Cécile partit suivie de ses deux domestiques. Elle se rendit directement chez Madame Bailey, où elle se mettait en pension jusqu'à ce que sa maison fût prête. C'était une très bonne femme, aimée de ses voisins. Ses revenus étaient honnêtes, quoique peu considérables. Ils suffisaient à ses besoins. Ce qui n'empêchait pas que, dans l'occasion, elle ne fût bien aise de les augmenter en prenant une pensionnaire. Cécile passa un mois chez elle, occupée à des actes de bienfaisance. Sa maison, située à 3 000 de Bury, étant prête à la recevoir, elle en prit possession. Les gens au-dessus du commun furent charmés de l'avoir établie parmi eux, et les plus pauvres, jugeant parce qu'ils en avaient déjà reçu de ce qu'ils pouvaient encore s'en promettre, regardèrent l'époque où elle vint habiter le canton comme une faveur du ciel. C'est ainsi que l'intéressante héritière, désormais indépendante, se trouva fixée dans sa propre demeure, au milieu du domaine de sa famille. Avec tous les avantages qu'elle réunissait, ne devait-elle pas être heureuse? Sa raison lui dit qu'il fallait travailler et le devenir, et pour y réussir, effacer de son cœur toutes les impressions qu'il avait reçues. La tâche était pénible, mais Cécile l'entreprit avec courage, se rappelant une maxime de Madame Delville, que les maux inévitables sont les plus faciles à supporter. Les observations qu'elle avait faites, les contretemps qu'elle avait éprouvés, avait mûri son jugement mieux que ne l'auraient fait les années. Elle vit qu'elle avait moins besoin de force que de constance, et qu'elle devait remplir son temps par des occupations utiles, qui ne lui laisseraient pas d'intervalle pour se livrer à de tristes ressouvenirs. Son premier soin fut de se défaire de Fidèle, qu'elle avait, sans savoir comment, gardé jusqu'alors, et qu'elle ne revoyait jamais qu'il ne lui fît naître des idées affligeantes. Elle le renvoya sans charger celui qui le conduisit d'aucune commission, étant persuadée que tout ce qu'elle pourrait faire dire à Madame Delville n'augmenterait en rien la satisfaction qu'elle aurait de le recouvrer. Elle écrivit ensuite à M. Albany pour lui apprendre qu'elle était actuellement prête à exécuter les projets qu'ils avaient formés depuis longtemps. Albany se hâta de venir la joindre et se chargea avec empressement des fonctions de mentor et de distributeur de ses aumônes. Il fit son étude de lui déterrer des objets de compassion, de la conduire dans leur demeure. Après quoi, il laissait à sa libéralité le soin de juger des secours que leur état demandait. L'excès de son zèle dans ces occasions et son ravissement de disposer presque à son gré de sa bourse paraissaient quelquefois lui causer des transports si étranges et si violents qu'à peine pouvait-il y résister. Il se joignait aux mendiants pour la combler de bénédictions. Il mêlait ses prières à celles des pauvres et la remerciait avec les malheureux auxquels elle faisait du bien. L'ouvreuse des bancs et ses enfants ne manquèrent pas de se rendre à son invitation. Et Cécile les plaça dans son voisinage, où la pauvre femme, dès qu'elle fut rétablie, trouva à travailler. Et sa généreuse bienfaitrice, suppléant à son petit gain, lui fournit les moyens de faire apprendre des métiers à ses enfants. Elle ne tarda pas d'accomplir la promesse qu'elle avait faite autrefois à Madame Harel de la recevoir chez elle. Cette dame accepta son offre avec beaucoup d'empressement, charmée de ce changement dans sa situation qu'une solitude continuelle lui avait rendu tout à fait insupportable. M. Arnott l'accompagna et passa un jour chez Cécile. Elle était, pour ainsi dire, choquée de ce que, se trouvant maîtresse d'un si grand revenu, elle vivait tout comme si elle ne jouissait que de 500 livres de rente. Mais Cécile, sans s'embarrasser de ses représentations ni des jugements du public, était décidée à n'écouter que sa raison. Le faste ni la dissipation n'avaient jamais eu d'attrait pour elle, et ce qu'elle avait remarqué chez M. Harel et dans la maison de Delville lui servait à jamais de leçon pour éviter l'un et l'autre. Son équipage, propre et commode, n'avait rien de remarquable. Sa table était simple, quoique abondante. Ses domestiques, en petit nombre, étaient occupés sans être excédés de travail. Son système économique, comme celui de ses libéralités, était réglé par les conseils de sa raison, et non modelée sur l'exemple des autres. Elle ne cherchait point à se distinguer, ni à l'emporter par sa manière de vivre sur la noblesse de son voisinage. Quoique sa conduite eût si peu de conformité avec celle des jeunes personnes de son état et de sa fortune, elle avait un soin particulier d'éviter de les choquer par la singularité de ses manières. Toutes les fois qu'elle les voyait, elle était familière sans bassesse, naturelle et polie, et quoiqu'elle ne se trouvât que rarement leur compagnie, ses manières gracieuses et son empressement à obliger lui en faisaient autant d'amis. Le projet qu'elle avait formé peu de temps après son entrée chez M. Harel lui plaisait si fort qu'elle ne négligeait rien pour le réaliser. mais la partie de ce plan qui consistait à éloigner d'elle les personnes inutiles ou frivoles ne lui parut guère praticable. Il fallut qu'elle fermât sa porte à la moitié de ses connaissances. Il en était de même du dessein de se former une société d'amis sages, éclairés, distingués par leur vertu et leur piété, qui vinssent demeurer chez elle. L'expérience lui fit voir que de tels amis étaient rares, et que, ne pouvant les acquérir avec de l'or, il fallait attendre patiemment cette faveur de la Providence. Fatiguée cependant des plaintes continuelles de Madame Harel, elle désirait de s'en distraire par une société plus agréable et sentait tous les jours davantage combien celle d'Henriette Belfield serait propre à ce dessein. Plus elle réfléchissait à cette idée, plus il lui paraissait qu'elle rencontrerait des difficultés à la réaliser, jusqu'à ce qu'après les avoir mûrement considérées, elle sentît qu'elle n'était peut-être qu'imaginaire. Madame Belfield, tant qu'elle aurait son fils auprès d'elle, reconnaîtrait bien que Cécile ne recherchait point la sœur pour avoir l'occasion de rencontrer le frère. Et si M. Delville prenait de nouvelles informations, il apprendrait que ses liaisons n'étaient qu'avec Henriette, puisqu'elle l'avait fait venir à sa maison de campagne, où Belfield n'avait point pensé à la suivre. Elle considéra aussi combien, en renonçant à Henriette pour M. Delville, elle en serait mal récompensée, puisqu'il était bien décidé à penser défavorablement sur son compte et qu'aucun sacrifice ne serait capable de détruire ses préjugés. Le témoignage de sa conscience l'emporta enfin sur la vaine frayeur d'une injuste censure, et dans la lettre qu'elle écrivit à Mme Belfield à ce sujet, elle en mit une d'invitation pour Henriette. La réponse de celle-ci témoignait son ravissement d'une pareille proposition, et celle de sa mère ne comptait d'autre objection que la dépense du voyage. Pour lever la difficulté, Cécile envoya sa femme de chambre et la chargea de payer ce qu'il en coûterait. La reconnaissance de la tendre Henriette en revoyant Cécile fut sans borne. Elle ne sut comment lui exprimer tout l'excès de sa joie. Cécile mit en usage tous les soins de l'amitié pour adoucir ses peines. Elle lui parla toujours avec confiance et ne lui cacha que ce qui concernait Delville, sur lequel elle gardait un profond silence, résolue d'oublier, s'il était possible, qu'elle eût quelque liaison avec lui. Henriette goûtait pour la première fois le bonheur de vivre dans une société assortie à son caractère. Sa douceur naturelle, qui n'avait servi qu'à l'exposer à la tyrannie de sa mère, lui attirait alors la bienveillance et les égards de ceux qui l'environnaient. Cécile lui fit part de ses projets, la mena avec elle dans ses visites de charité, et reconnut dans ce commerce familier que son âme était aussi belle que sa figure. Cette fille estimable, s'attachant toujours davantage à sa bienfaitrice, parvint insensiblement à dissiper sa mélancolie, et la sérénité, la gaieté même, revinrent habiter un séjour où régnaient tant d'autres vertus. M. Monckton, étant revenu habiter sa campagne, vit avec une véritable peine le crédit d'Albany sur l'esprit de Miss Beverley. Ses libéralités étaient étendues, considérables. Tout le monde en parlait, et quoique les uns les admirassent et les autres les blâmassent, tous en étaient également surpris. Il les lui laissa continuer pendant quelque temps sans faire la moindre remontrance, espérant que la première ferveur diminuerait d'elle-même quand elle commencerait à n'avoir plus le charme de la nouveauté. Mais s'apercevant que loin de se ralentir, sa charité augmentait tous les jours, il s'alarma, et ne pouvant plus se contenir, il lui parla vivement, lui représenta que sa conduite pouvait avoir des suites très dangereuses. Il lui dit qu'elle ne servirait qu'à lui attirer tous les fripons et tous les imposteurs des quatre coins du royaume. Il ne voulut pas risquer de lui déplaire en contrariant ses idées. La conversation en resta là et laissa dans l'esprit de Cécile une impression désavantageuse, tout en rendant justice à son zèle et à son attachement. Il lui paraissait pourtant trop intéressé et trop soupçonneux. Elle continua donc à se conduire comme auparavant, distribuant d'une main libérale tout ce qu'elle pouvait économiser sur la dépense de sa maison, son unique soin étant de se mettre en garde contre les fripons, dont, malgré toutes ses précautions, elle se trouvait quelquefois dupe. Mais son discernement et sa vigilance empêchèrent que cela n'arrivât souvent. Elle apprit, quoiqu'à ses dépens, à se défaire des imposteurs et de ceux dont elle découvrait les ruses. Sa fortune la flattait peu depuis qu'elle avait été dédaignée par la famille Delville, et convaincue que l'argent n'avait pas le pouvoir de la rendre heureuse, elle le regardait assez indifféremment, et conséquemment comme presque dû à ceux dont les besoins et l'indigence le leur rendaient indispensable et beaucoup plus utile. Ce fut de cette manière que Cécile passa le premier hiver de sa majorité. La lecture, la musique, les soins domestiques qu'elle n'avait jamais dédaignés avaient, en remplissant tous ces moments, écarté d'elle l'oisiveté et rendu à son esprit sa première sérénité. Des occupations utiles et des distractions variées répondaient parfaitement au plan qu'elle avait formé et qui devait bannir nécessairement les chagrins qu'elle avait essuyés et auxquels son âme s'était d'abord un peu livrée.